J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou. Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou. J'ai peur de perdre la tête en enfer, la suite on verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou, beaucoup trop fou.